Parlons maintenant des Québécois de souche. Nous autres. Ah, moi, je suis un Québécois de souche. Moi, je suis un souche, là. Ouais. Ben, je sais pas, les wallets. Hop, oh, tu viens de gagner, tu viens d'augmenter de 15 000 le salaire, d'après moi. Ouais, t'es c'est meilleur. Vrai. Ouais. Ah, ben là, un Québécois meilleur. Là, Larry, tu souches? Larry? Pas sûr. Pas sûr. Mais, moi, oui, je pense que oui. Mon grand, mon, parrain. Morin, ouais. Morin, ça sonne un peu, Ouais. Un ça, peu Europe, ça, hein. Il y a des, oui, des racines portugaises. Aha! Pas vraiment. Fédération des Québécois de souche, qu'est-ce qu'il pourrait dire là-dessus? Rémi Tremblay, bonjour, ça va bien? Bonjour, M. Morin, ça va très bien. Je suis pas tout à fait de souche, j'ai un peu de sauce portugaise. Je peux vous parler pareil, hein? Oh, oui, oui. Il n'y a pas de trouble. Parfait. Là, vous y allez avec une campagne. 0% halal, 0 cachère, 100% Québécois. Vous faites référence, entre autres, aux cabanes à sucre, etc. Mais vous parlez en général de l'alimentation, puis qu'on en a ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Expliquez-nous, là. Je vais vous laisser quelques instants. On a quand même juste 13 minutes au total ensemble. Mais allez-y avec votre explication. Parfait, mais d'abord, je vous remercie de spécifier que c'est un prétexte un peu pour parler de l'alimentation cachère et halal en général. C'est sûr que nous autres, on utilise la saison des sucres qui est une tradition ancrée au Québec, mais on veut étendre le débat à tout ce qui est nourriture halal et cachère. On part du constat que dans les épiceries, il y a 75% des produits, pas juste des produits pour manger, mais des produits également pour laver, qui sont certifiés cachères. Ces produits-là certifiés cachères le sont pour quelle raison? Parce qu'il y a 10 à 15% des Juifs, qui représentent 1%, 1,5% des Québécois, qui mangent cachère. Donc, les coûts de la certification cachère et halal sont, tous les consommateurs les payent pour finalement une extrême minorité des Québécois. Vous pensez que le Québécois n'a pas le choix. Quand il arrive à l'épicerie, il n'a pas le choix. Il n'y a aucun choix, là. Il n'a pas de diversité. Il est comme prisonnier dans un univers cachère. C'est quasiment ce que vous décrivez, là. Ben, à 75%, et ça, je m'engage à mettre toutes les sources sur notre site Internet, sur notre page Facebook aujourd'hui. Donc, 75% des produits qui sont cachères, c'est la grande majorité. Et dans certains domaines, non, on n'a pas le choix entre un produit qui est non cachère et un produit qui l'est. Et ça, c'est nous, les consommateurs, qui payent pour cette certification-là. Pourtant, il y a plein de nourriture. Puis Lise Ravary a fait une petite liste. Tantôt, je vais vous jouer un court extrait de ce qu'elle donne comme exemple. Il y a plein d'exemples. Vous arrivez avec ce pourcentage-là. D'autres pourraient arriver avec un autre pourcentage. Il y a plein d'exemples de nourriture qui sont pas cachères. On écoute l'extrait de Mme Ravary. Alors ici, on a la sauce à spaghetti Primavera de marque Choix du Président. Donc, la marque Maison. Elle est bonne, elle. Elle n'est pas chère. Elle est très, très bonne et bonne. Elle n'est pas cachère. Ensuite, elle nous chère, avons elle pas cachère. Une cacane de soupe menu bleu. Alors, ouais. Ça, c'est le menu santé Maison de Provigo Loblage. Oui. Tomates et poivrons rouges grillés. Ce n'est pas certifié cachère. Ouais. Allons un peu dans l'exotique. Sauce de cuisson Korma. Hein? Moi, j'aime bien la bouffe indienne. Oui, bon. Encore une fois, de marque Choix du Président. Elle est bonne, celle-là. Elle est très, très bonne. Oui. Il n'y a pas de certification cachère. Sortons des produits. Il y a aussi l'huile d'olive. Ah. Choix du Président, l'huile d'olive extra vierge du Nouveau Monde, qui est excellente et qui ne coûte pas très cher. Aucune certification. Allons dans des marques nationales, comme on dit. Ah, avant de tomber les fruits et des légumes, Lise, les fruits et les légumes, là, on pourrait y arriver tantôt si ça te tente aussi. Là. Ben aussi, ben d'ailleurs, ici, j'ai une autre cacane de maïs à grains entiers Del Monte. Ils ne sont pas certifiés cachères, oui. Mais ils sont certifiés équipe olympique. Moi, bon, M. Tremblay, là, j'ai fait bien attention pour regarder. Je savais que vous vous en veniez avec cette campagne-là depuis au moins 3 semaines. Spécifiquement, je regarde, là. Et facilement, à l'épicerie Provigo, le marché Loblaws à Québec, facilement, là, j'ai fait une épicerie de 250$ pour ma famille. Facile, là. Ça m'a pris 1 heure. Puis, facile, là. Pas cachère, là. Facile. Donc, moi, je pense que vous en arrivez à un mauvais débat. Les compagnies n'ont pas le choix. Pour avoir accès à l'ensemble de la clientèle, ils vont en offrant certains produits avec la certification cachère pour viser l'ensemble des consommateurs. Les compagnies, ne font ça de leur plein gré. Je suis d'accord avec vous que les producteurs n'ont pas le choix et c'est pas une décision qu'eux autres prennent de la certification cachère. Souvent, c'est le journal, excusez-moi, l'émission Enquête avait fait un bon reportage là-dessus. Souvent, c'est des chaînes de supermarchés qui obligent la certification cachère pour vendre en magasin. Donc, on se retrouve avec des producteurs locaux, que ce soit au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent ou en Abitibi, qui produisent localement, ah oui? qui ont donnez-moi aucun des exemples. Marché, qui ont aucun marché qui est juif traditionnel, qui respecte les lois de la cacheroute. Donnez-moi mais des qui exemples. Sont obligés. Pour les exemples concrets. Des exemples de personnes qui ont été écartées par Sobeys, qui est propriétaire d'IGA, ou par Métro, ou par Provigo. Donnez-moi des noms, je vais aller rejoindre ces personnes-là, qui ont été écartées parce que vous décrivez comme étant le lobby juif, là, parce que je connais un peu votre discours. Donnez-moi des noms. Parfait. Moi, je vous donnerai pas les noms. Pourquoi? Mais aujourd'hui, on va mettre le vidéo enquête qui a été réalisé par Radio-Canada sur notre page Facebook. Et là-dedans, il y en a justement des petits producteurs qui parlent de cette problématique-là et qui, eux, ont eu des problèmes. Donc, c'est les épiceries qui forcent les producteurs. Donc, dans ces épiceries-là, c'est 100% cachère. Exact. C'est quelle épicerie, ça? Je veux savoir. On veut savoir les noms. Dans quelle épicerie, tout est cachère? Okay, là encore, je vais vous envoyer aux vidéos d'enquête. Si je ne m'abuse, c'était Loblaws ou Sobeys qui obligeaient tous leurs producteurs à produire cachère, même s'ils vendent dans les régions où il n'y a pourtant pas de communauté juive installée, et encore moins une communauté juive traditionnelle qui respecte les lois de la cacheroute. J'ai hâte de voir ça, cette vidéo-là. Votre discours, là, c'est 100% québécois. OK? C'est ça, votre discours, en fait. C'est votre slogan, c'est tiré de votre site Internet. Si on y va 100% québécois, là... Le café, ça revole. Le thé, c'est out. Les fruits, à peu près au complet, ça revole. Il reste des pommes. Le vin, autre que québécois, évidemment, ça revole. L'huile d'olive, c'est out. Le riz, c'est out. Le couscous, c'est out. Plus du 9/10 du contenu d'une épicerie, ça vient de revoler, là. Là, on vient de retomber dans le coin de l'arbre, dans le panais, pis des patates rondes. C'est à peu près ça, là. Là, faut replacer aussi notre campagne. Notre campagne 100% québécoise, zéro halal, zéro cachère. C'est à cause du temps des sucres et ça touche justement le sirop d'érable et tout ce qui est autour de la cabane à sucre. On est conscient qu'en épicerie, c'est pas des produits 100% québécois. On encourage l'achat québécois, mais on est également conscient... Mais c'est farfelu ce que vous dites. On encourage 100% québécois. Le café vient d'ailleurs, le riz vient d'ailleurs, les fruits exotiques, ça pousse ailleurs. À un moment donné, il y a une intégration alimentaire puis une diversification alimentaire. Votre discours, c'est un discours ethnique, obtus. Aucunement, le 100% québécois, c'est uniquement dans la campagne sur le temps des sucres. By the way, le temps des sucres est une vieille, vieille tradition amérindienne, si je me trompe pas, là. Exact. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? On n'est pas de souche, nous autres. Parce que là, il y a des gens de Wendake qui nous disent que, ouais, on n'est pas dans la gang, nous autres. On n'est pas de souche, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec... Avec le fait que c'est eux, la souche. Ce sont eux qui sont les gens de souche. Nous autres, on est des Européens. Nous autres, on est des importés, ici, là, entre guillemets. Dans votre langage, c'est-à-dire des immigrés, là. On est arrivés de l'extérieur, là. En fait, je dirais pas des immigrés. Nous, on est venus ici, on a colonisé. Sur les bateaux. Les peuples amérindiens sont effectivement ici, avant nous. On est pour une cohabitation. Eux ont droit, de par le fait qu'ils étaient ici avant nous, ils ont droit à un statut privilégié, ce que nous, on n'a pas le droit. Mais la souche, nous autres, on a pris leurs produits, mais on n'est pas de souche, nous autres. On est arrivés après. Eux autres, t'es là avant. La souche, là, c'est pas nous autres. Il faisait du sirop d'érable là, puis il mettait pas de couenne de cochon là dedans. Là. Ouais, on fait quoi? Non mais monsieur Morel, la société québécoise, la nation canadienne si vous préférez, a été fondée par les colons et non pas par les Amérindiens. Par les Européens. Aujourd'hui, on leur confère un droit particulier parce que ces gens-là, on reconnaît qu'ils étaient ici avant nous et on vit avec eux de façon fraternelle. Puis nous, on n'a pas de droit ici là. On est comme des parjurés là. C'est aucunement ce que je dis, sauf que nous, on n'a pas une reconnaissance spécifique au sein... On n'a pas de reconnaissance spécifique. Comme les peuples autochtones peuvent l'avoir. Donc, votre Québec de souche, là, qui est un discours, dans le fond, articulé sur l'appartenance au sang, la pureté du sang, c'est un peu ça, dans le fond, que vous dites, là. C'est très, très d'extrême droite, votre discours, là. Je parle pas de pureté de sang ou de choses comme ça. Vous me mettez ben, on sent que les musulmans, que non, mais les musulmans et les juifs. Les musulmans et les juifs sont pas les bienvenus dans votre Québec, là. À l'autant qu'ils marchent au pas, là. C'est quoi que vous dites au juste? Ce que je dis à propos de la campagne cachère et à non, en général, dans votre discours, les juifs et les musulmans ne sont pas les bienvenus dans votre Québec. Ce n'est pas ça. C'est que les juifs et les musulmans n'ont pas à imposer leurs croyances ou imposer leur façon de faire aux Québécois. Ici, M. Morais, c'est le Québec. Les catholiques n'imposent pas. Mais en quoi on est brimé? En quoi les Québécois sont-ils victimes de quelque chose dans une cabane à sucre là? Parce que vous parlez du sirop, c'est vous qui ramenez ça parfait. Nommez-moi une cabane à sucre qui brime les droits des Québécois, les Québécois qui sont libres d'aller dans n'importe quelle cabane à sucre ou de pas y aller pantoute. Nommez-moi un endroit où il y a des Québécois qui ont été victimes de discrimination. Là, dernièrement, nommez-moi, racontez-moi une histoire. En fait, je vous raconte. Allez-y. Vous savez, la production de sirop d'érable au Québec, c'est tout pris en charge, la mise en marché et tout, par l'Association des producteurs agricoles du Québec. Oui. Donc, maintenant, branche de l'UPA, là. Exact. Maintenant, toutes les petites cabanes à sucre locales doivent être visitées par un rabbin qui vient 3 jours par année, à chaque année. Et ça, c'est aux frais de la cabane à sucre, bien entendu. C'est les producteurs qui payent et qui nous refait la facture pour que 0,1% de la population qui est juive orthodoxe puisse en consommer. Vous alléguez ça. Moi, j'ai pas de preuve de ça. Toutes les petites, ça, c'est votre allégation que vous faites, là. Toutes les cabanes à sucre, petites, moyennes, grosses, sont visitées par des rabbins trois fois durant l'année. Puis l'année des sucres, c'est l'année. Quand vous dites l'année, ça dure un mois, là. Donc, 3 fois dans le mois, visitées par un rabbin. Toutes les cabanes à sucre, sans exception, là. Vous y allez pas fort, le café rien qu'un peu, là? Excusez-moi, c'est pas toutes les cabanes à sucre qui vendent leur sirop d'érable à l'association des... celles qui veulent le commercialiser, à tout le moins, exact. Là. Toutes celles qui veulent le commercialiser doivent être visitées par un rabbin. Okay. Et la visite dure aux alentours de 3 jours, de ce qu'on s'est fait dire. 3 jours, de ce que vous avez fait dire. Pas de grosse enquête. C'est quoi vos sources? C'est année après année. Donc, oui, à chaque année, un rabbin doit visiter toutes les cabanes à sucre qui veulent commercialiser leur sirop d'érable. Admettons que c'est vrai. Là, j'ai quand même un doute, là, mais en tout cas. OK, mettons que c'est vrai. Là, vous avez quelqu'un qui vous a raconté ça. Ça n'a pas de bon sens. Combien ça coûte déjà, cette visite-là? Là? De coûter des centaines de milliers de dollars par rabbin. L'impact sur le prix du sirop d'érable, selon. Au Canada, au Saguenay, il y a des animateurs qui ont voulu parler à des rabbins pour justement comprendre un peu mieux le phénomène. Oui. Et les rabbins refusent de répondre aux questions sur les prix. Les prix pour une certification cachère, ça part de 1000 $ à des dizaines de milliers de dollars. Ça, c'est sûr que ça a un impact. Un petit producteur qui doit débourser entre 1000 et des dizaines de milliers de dollars, c'est sûr qu'il doit refiler la facture. Avez-vous parlé à des producteurs? Nommez-moi un producteur qui nous dit clairement que lui, il était obligé. Je veux parler à du monde, moi. Ça m'intéresse. Ça, c'est beaucoup là. De oui-dire, là. Il n'y a pas de oui-dire. Comme je vous dis, on va mettre les sources. Entre 1000 et des dizaines de milliers de dollars, là, on s'entend que la branche est assez large. Oui, ça dépend de la grosseur de l'entreprise qui est à... Donc, le petit producteur, ça ne coûtera pas 70 000 $ là. Il y a Maxime sur Live qui vient d'écrire. Là. Il travaille à cabane à sucre du lac Beauport, dans la région de Québec, l'une des plus grosses. Il a jamais vu ça. Il travaille là, jamais vu ça. Mais est-ce que lui, c'est certifié cachère? Mais c'est la plus grosse. Il y en vend. Il y en vend commercialement. C'est la plus grosse. Il a jamais vu ça. Donc, les plus petites, est-ce qu'ils ont vu ça? Je vous invite à aller voir justement sur notre site où on a les sources. On a les sources sur la production cachère qui doit être certifiée. C'est pas beau, c'est eux autres, c'est les agences de certification cachère qui expliquent qu'une visite peut durer de 1 à 3 journées et que tous les lieux de production doivent être visités à chaque année. Monsieur Tremblay, je vous remercie, au plaisir. Merci. Au revoir. On est pile poil. Il reste plus de temps à l'émission. Il faut faire une pause pareille. On la fêterait là. Vous êtes dans Morel Live. Morel Live. Radio X. Le 5. Oh, showtime. À 7.